Jadoul, c'est 30% d'humour, 60% de sympathie et 20% de folie. Attendez, ça fait pas 100% ça. 18h-20h, c'est Jadoul. Avec 10% de mauvaise foi. Bienvenue dans l'émission du samedi soir, 18h-20h, c'est Jadoul. Je m'appelle Jadoul, on est en live. On s'est pas compliqué la vie au niveau du nom de cette émission. On s'est dit, voilà, le mec qui anime l'émission s'appelle Jadoul, on va appeler ça Jadoul. Et on est très content de vous accueillir autour de moi ce soir. Terence, comment ça va? Ça va super bien, moi c'est Terence. Ouais, bah oui, on l'a compris. Terence et sa voix qui est en train de muer. Un peu fort cassé, ouais. Non mais c'est les hautes études ça. Ah mais qu'est-ce que t'as fait? Il y a les bleusailles, tu connais le baptême en Belgique? Le baptême en Belgique, t'as jamais entendu? Oui, le baptême. Des baptêmes, oui, baptême, ça, je vois. Quentin. Ben voilà, ben, je fais mon baptême. Et quand il faut crier merci, maître des bleus, de toutes ses forces, toute la soirée, voilà, la voix en prend un coup. T'as fait ça quand? Hier soir? Non, j'ai fait ça jeudi. Jeudi, mais à quel moment dans ta tête tu te dis jeudi, je vais m'exploser la voix parce que j'ai radio? Attends, les baptisés, ils n'ont rien à faire que j'ai radio. Le baptême, c'est comme ça, il faut crier toutes ses forces et puis voilà quoi. D'accord. Je me disais que ça allait s'en remettre. Jusqu'à maintenant, à chaque fois je me suis cassé la voix, le lendemain ça allait mieux. Donc je me suis dit, ça serait encore pareil, mais à mon avis c'est à force, la voix. Et pour vous dire, je rappelle quand même que Terence fait du chant sur le côté, il fait du rap. Donc une profession qui a besoin de sa voix également. Il a aucune conscience. Mais avec la voix cassée, ça donne un petit truc, hein. Ouh yeah! Voilà, on vient de perdre beaucoup d'auditeurs, là, rien qu'avec ce cri. Je m'excuse en son nom. Je suis vraiment désolé. Ce soir, dans cette émission, on va avoir plein de choses, on va vraiment se marrer. Bruxelles à l'appel, le jeu qui cartonne chaque semaine, on le fait revenir. On va voir si Terence a son niveau de culture générale qui a augmenté. On va également avoir plein de belles choses, les news insolites, la chronique de Terence qui nous parle de... 5 objets insolites connectés. Très bien, merci. et de la non, musique. Ça c'est méchant, c'est vicieux, non, franchement, t'es méchant. Là je suis méchant, je suis méchant. D'accord. Mais dans la suite de cette émission, on va avoir également Julien Doré, Aya Nakamura, Neige, Christophe Mahé et j'ai une très très bonne nouvelle. Si vous aimez l'humour, si vous aimez Jamel Debbouze, si vous aimez Forêt Nationale, on a des places à vous faire gagner. Ça se passe dans un instant dans cette émission. Je vous dis comment gagner ça dans une poignée de secondes, ça vous va? 18h-20h, c'est Jadoul. Et on écoute d'abord Christophe Mahé. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. En live dans cette émission, on va passer maintenant à notre séquence habituelle pour démarrer cette émission. Les news de la semaine. 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. Je t'emmène en France, du côté du Calvados, parler de la SNCF. Un train a loupé une station, il a loupé son arrêt. D'accord, ok, il s'est dit, on va continuer, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas? Mais à cause de quoi? Il s'est endormi. Non, il ne s'est pas endormi. Non, il y a toujours une pédale du mort. Le ralentisseur n'a pas fonctionné? La pédale n'a pas fonctionné? Non. Il a simplement oublié? C'est pas un problème technique. Ça n'a rien à voir avec le conducteur et le train, le chauffeur. Il avait juste pas envie. Non, il y avait des gens qui l'aimaient pas à l'arrêt. Ça n'a rien à voir avec le chauffeur. C'est les rails? Non. C'est un problème avec les rails? En fait, c'est un problème de la météo. Il pleuvait tellement que il pouvait pas freiner. Le conducteur n'a pas vu qu'il y avait une gare. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Ah si? Non. En fait, il pleuvait tellement, le conducteur a passé la gare tellement la pluie était intense et opaque et il n'a pas réussi à voir ça. Alors évidemment, la SNCF a assuré des taxis pour les gens qui étaient arrivés un peu trop loin. C'est la SNCF. Et, Non mais tu te rends compte, même au niveau de l'aiguillage, si le truc n'était pas aiguillé correctement, le truc il continue, il s'y attendait pas, enfin je sais pas, il y a plein de dangers derrière c'est ça. C'est hyper dangereux en plus, c'est ça. Mais là, moi j'imagine la tête des gens quand même, tu sais, qui sont... T'as vu que j'ai attrapé quand même l'accent de Namur un peu. Oui, ouais. Et donc t'imagines quand même la tête des gens quand il y a le train qui passe, ils se disent ah ça y est il est là. Oui, c'est vraiment partir, ça. Ouais, il faut savoir que Alissa, la chroniqueuse de cette émission qui reviendra d'ailleurs la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, elle nous a dit une fois. Ah, j'arriverai avec un peu de retard à l'émission. Ah ben voilà, c'était la SNCF en fait. Mon train est passé. Et alors, elle a dit le train est passé. Mais nous, on l'a dit, mais oui, mais c'est normal, si le train il a une heure prévue, il part. Oui, non, mais il m'a oublié. Mais là, c'est elle qui était en faute. Là, c'était le conducteur qui était en faute. Donc la SNCF a assuré des taxis, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, ça m'énerve un peu qu'ils aient assuré des taxis. Parce que moi, une fois, j'avais une rupture de correspondance. Je devais aller bosser le lendemain et j'étais resté bloqué à Paris parce qu'ils n'ont pas assuré de correspondance avec mon TGV pour Bruxelles, voilà. Mm-hmm. Et donc, je me suis retrouvé comme un con bloqué à Paris. Mais à Montpellier, il m'avait dit, mais vous inquiétez pas, il y a un taxi qui vous sera prévu depuis Paris jusqu'à Bruxelles. Bah, j'ai fait encore beaucoup mieux, quoi. Oui, bien sûr. J'arrive à Paris. Et là, monsieur, vous rêvez? Vous rêvez? Attendez, ne quittez pas. Jean-Claude! Demande un taxi, le con. Et vraiment, je suis passé pour un blaireau parce que ils m'ont dit que j'allais avoir un taxi. Déjà, moi, ça me paraît un peu énorme, mais en réalité, ils n'avaient pas prévu de taxi à Paris, donc j'étais resté bloqué. Je suis arrivé en retard au boulot le lendemain. Bref, une pagaille. Et je sais qu'en Belgique, ils mettent des bus à disposition quand ça arrive. Oui. Là, dernièrement, là, j'étais dans le train, ça a été bloqué. Et ils ont prévu des bus. Ah, j'ai quand même demandé à mon père d'y aller parce qu'ils ont, ils avaient déjà bien prévenu qu'il n'y aurait pas assez de personnel pour prendre tous les gens du train parce que le bus c'est beaucoup plus petit forcément, donc j'ai demandé à mon père de m'amener, mais voilà quoi. La suite des news insolites, ça se passe dans quelques instants dans Jadoul. Jadoul, 18h-20h, vous écoutez le 18h-20h. Merci de nous rejoindre, un seul moyen de nous contacter, vous n'oubliez pas le numéro de téléphone de la radio, 0488 106 800. On lit tous les messages en direct qui défilent sur l'écran et voilà, on embrasse tous ceux qui nous rejoignent. C'est peut-être la première fois que vous nous écoutez en ce 5 octobre et je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Jadoul, voici Terence et on est toujours en mode actu insolite. Je sais pas si toi t'es fan de trottinette électrique. Ah si, mais totalement. Vraiment? Alors le problème c'est qu'en Belgique ça marche pas avec ma carte en fait. J'ai essayé avec toutes les trottinettes, tu sais, il y a les cartes vertes, de banque, les rouges. Ouais, ouais. Ok. Problème, c'est que j'ai une carte de crédit et c'est une carte de débit. Non, une carte de débit et c'est une carte de crédit qu'il faut. Ah enfin, oui. C'est un truc qui est retiré automatiquement, quoi. Et ma carte ne fonctionne pas et ça m'énerve. Je réfléchis à en acheter une. Franchement, quand on a envie, c'est super pratique. Et acheter une trottinette électrique carrément. Oui, tu sais qu'il y a des pliables que tu peux remonter avec toi dans ton appart. Ouais. Pas de place. C'est super pratique, quoi. Ben, j'ai un ami qui a acheté une trottinette électrique. Il y a des périodes où il s'en sert et après la trois quarts du temps elle prend quand même la poussière, hein, il faut pas se le cacher. Bon, surtout qu'il y a une voiture à côté de ça, toi t'en as pas, donc c'est non, vrai qu'une trottinette électrique serait plus avantageux. Après, t'habites à combien de distance de ton école? Oh, une minute à pied. À une minute. Bah, alors est-ce que ça vaut la peine d'investir 250 balles dans une trottinette électrique? Pour aller jusqu'au Basic Fit, pour aller jusqu'à la salle, pour aller jusqu'à... À Namur. Ouais, ouais. Ah, le Basic Fit c'est à Salzine, alors que moi je suis dans vraiment le centre, quoi, rue de Bruxelles. Ok, d'accord. Si vous voulez, je vous passe même mon adresse, comme ça, les auditeurs peuvent venir me faire un petit coucou. Non, non, arrêtez, ne répondez pas à cet appel en solitude. Venez, c'est chez moi, c'est 108 rue de Bruxelles. Sûrement, c'est pas ça. J'ai eu un petit moment de flottement dans ma tête, mais il a quand même pas fait. Alors que... Ah, bah venez sonner, on verra. Ouais, on va avoir des plaintes de voisins. Ah, mais j'ai entendu ça sur la radio. Alors, je te parle de trottinette électrique parce que figure-toi qu'en Floride, les policiers ont mis la main sur un saboteur en série. Alors, visiblement très hostile aux engins libre-service. Il s'appelle Randall Williams. Il a 59 ans et il a pour habitude de sortir en pleine nuit pour couper les freins des trottinettes électriques. Et c'est The Daily Dot qui a repéré par Numérama ce jeudi ce phénomène. Et ça, faut dire, c'est un hobby étrange. Hein, c'est vraiment un gros... Je vais pas dire le nom. Particulièrement dangereux parce que... Mon Dieu. Attends, les futurs utilisateurs qui voient... Oh tiens, couille, on va faire la trottinette. Et le mec, il dévalue une pente. Mais c'est un génie. C'est un génie. Mais figure-toi que... Je reviens encore avec cette anecdote. Je l'ai peut-être déjà raconté dans cette émission, mais je ne sais plus, vu que je radote beaucoup et que je suis âgé et que je perds mes moyens. Non, durant la période gilet jaune, je tournais un reportage, j'avais un cadreur avec moi et on était reliés par un micro de 1 mètre de long en termes de fil et on se suivait comme ça dans les rues de Bruxelles. D'accord. On voulait tourner vers la rue Neuve, on était au niveau de Rogier et là dévale dans la grande avenue, dévale une trottinette électrique avec l'alarme comme quoi t'as pas payé. Eh ben t'as cette alarme là et moi je ne l'entends pas, j'avais mon casque sur les oreilles. Très dangereux, attention. Bah oui, bah on fait son métier, on ne le fait pas. Et alors, à un moment, je traverse la rue vu qu'elle était fermée pour les gilets jaunes, donc aucun danger théoriquement. Ouais. Et là je traverse, mon caméraman prend un peu de temps à me suivre et en traversant, je me prends un gilet jaune plein dans l'épaule qui me charge, il dévalait la rue en trottinette électrique. Et c'était filmé ça. Il n'avait plus de frein. C'était filmé ça, j'espère. Oui, mais on voit pas sur les images. Oh. On voit juste la caméra qui part avec. Truc. Mais même, ça doit être super et drôle. Le coup de chance qu'on a eu, parce qu'une caméra, tu sais le prix que ça vaut. Ouais. Le fil s'est déroulé jusqu'à l'endroit où je suis tombé. Ah, mais non. Et la caméra s'est arrêtée Moi, j'ai surtout peur pour la trottinette, en fait. Toi, je m'en fous. Comment est-ce qu'elle va, la trottinette? Ben, elle va bien. Et c'est le gilet jaune va très bien. Ah, ça, c'est dommage. Enfin, voilà, je suis toujours là et ça me permet de vous jouer Pookie maintenant, Daya Nakamura. Jadoul, 18h-20h. Le monsieur a dit mon nom, je pense. Je dis ça comme ça. Je sais pas. Je tiens à préciser en que... En plus, avec une voix très... Jadoul. Bah, évidemment. 18h-20h. Il faut un peu... Mais non, ne va pas dans les graves, il n'y a pas de graves. Annule les graves. Jadoul. On se retrouve dans quelques instants pour toutes nos séquences. Ça se passe en direct jusqu'à 20h. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. Vous écoutez Jadoul en direct jusqu'à 20h. Merci de nous avoir choisi. Jadoul, 18h-20h. Et maintenant, on va faire la séquence « On raconte nos vies ». Voilà, on n'a pas d'autre nom à cette séquence. On raconte en fait ce qui s'est passé dans nos semaines parce qu'on tisse ce lien de confiance, ce lien de complicité qu'on a avec vous et voilà. On vous raconte notre semaine. Alors... Terence, on l'a compris, c'était un baptême. Mais voilà. Il y a une particularité à ce baptême. Bah, c'est qu'on n'a pas le droit de boire. Interdit. Interdit. On boit, ouais. On arrive bourré au baptême, on est viré. C'est viré. Ouais, ouais. Interdit. Et ça, c'est les règles du jeu. En c'est fait. Les règles du jeu. Il y en a juste une où on a le droit de boire. Ouais. Genre, juste une. C'est même le but de cette séance, mais il n'y en a qu'une, quoi, sur les 10. Et okay. C'est toutes les autres interdites. Bah, c'est très bien, ça vous responsabilise. Donc, le but du baptême, en fait, c'est s'amuser sans boire. C'est même pas de s'amuser, on n'a pas le droit de s'amuser non plus. C'est quoi ces baptêmes? En gros, le baptême, mais c'est justement parfait pour être rigolo. Le baptême, c'est on doit morfler. On mange des croquettes pour chiens, on mange des pâtés pour chiens, on mange des cubes bouillon, tu sais. C'est super bon quand ouais. T'as ça dans une soupe, mais quand tu le manges sec, c'est la chose la plus horrible à manger. Un bouillon cube sec? Ouais. Je peux t'en manger un comme ça, là, maintenant? Non, c'est dégueulasse. Ah, si. C'est ah, horriblement je... dégueulasse. Ah, mais moi, je peux le faire. Ah, c'est le genre de truc, tu me dégoûteras pas avec ça. Je peux boire une minute soupe sans la diluer. Ça me dégoûte. Du lait caillé, on mange... Enfin, ah non, voilà. Ça, non. Alors, on fait là toute la ville en marche au canard. En fait, le but, c'est pas de nous humilier, mais... Enfin, voilà quoi, c'est de morfler quoi. D'accord. Pour mériter la peine qu'on a sur la tête. Ah bah franchement. Et t'as fait que ça cette semaine ou t'as eu quand même des cours à un moment ou Oui, j'ai eu des cours. Bah, en fait, le baptême c'est deux fois par semaine de 19 à. Deux fois par semaine. Heures. C'est deux fois par semaine. C'est quoi ce truc? Je suis désolé. Moi pour moi, les baptêmes, moi je connais plus Louvain-la-Neuve. Tu vois, t'arrives, ouais. T'as une grosse soirée et après cette grosse soirée là, tu rentres dans le cercle ou pas. Non, c'est et pas après vrai. Ça. C'est pas qu'une fois Louvain-la-Neuve, hein. c'est toutes les semaines aussi. Hein. Mais toutes les semaines de toute l'année. En Belgique, il y a 10 bleusailles pour tous les cercles. C'est pas possible. Hein. C'est quoi ce truc? Mais alors c'est ça s'appelle un parrainage. À un parrainage peut-être. Mais pourquoi vous faites des trucs si compliqués? Vous jouez à Candy Crush? Enfin, je sais pas, faites quelque chose de normal. Parce que on teste nos limites, on essaie d'aller le plus loin possible. On apprend aussi à la fermer aussi, à se taire, tu vois. Ça, c'est pas plus on mal. Apprend, ça va te servir dans cette émission. Ouais, c'est vrai que tu me gueules beaucoup dessus, toi. Hein. Non, et donc. Mais non, mais genre, enfin voilà, c'est d'apprendre un folklore. Et puis au final, oui, entre chaque bleusaille, c'est de tisser les liens. Le but premier, c'est la solidarité. Mmh. Parce qu'entre les cobleux, en fait, si on n'est pas solidaire, ben on se fait défoncer, quoi. Ouais. Il faut vraiment qu'on soit solidaire. Mais et c'est à bien. La fin, ben t'as un super groupe hyper soudé. Puis tu fais partie du comité et t'es hyper fier, quoi. Mais au final, les potes que t'as, que tu te fais à Namur, ce seront pas tes potes à la fin des études. Ben, en dehors, moi, après. Le meilleur ami de mes parents, c'est des gens qu'ils ont rencontrés aux études. Mon parrain, c'est le meilleur ami de mon père, il l'a rencontré aux études. Le meilleur ami de mon frère aux études. Ouais. La plupart du temps, on dit toujours que les études, ça forge les amis à vie. C'est ah bah, une alors, citation, oui, okay. Je sais pas si t'as jamais entendu ça. Ben, je ne savais pas, et donc je suis ravi de l'apprendre. Alors moi, je vous aurais bien raconté ma semaine, mais je m'en souviens plus. Jadoul, 18h-20h. Donc, le problème voilà. Est vite réglé. Merci Thomas. Ah ben, c'est avec grand plaisir. Et maintenant, avec grand plaisir, on écoute Stromae. Oh, soda. Oh, soda. J'ai toujours pensé que dans cette chanson, il disait « Oh, du soda !» Ben moi, c'est pas ça qu'il dit. Il parle pas du soda, genre la boisson. Hein? Jadoul. Jadoul? Mais Jadoul, mais qu'est-ce que tu fous? Ah, ça, c'était moi, c'était pas lui. Ah, ce Jadoul. Mais tu exagères, mon vieux. 18h-20h. Oui. T'as vu comment il t'accuse? Mais non. Déjà, on s'est battu et il fait encore sa mauvaise foi et après il insinue avoir gagné. C'est vraiment, c'est... lui, plus c'est incroyable quoi. Cette bataille n'est pas finie. Je vais retrouver la voix off, vous inquiétez pas. Alors je préviens déjà. On a de très belles émissions spéciales qui arrivent fin du mois. On va se marrer. Mais maintenant, pour l'heure, je vous rappelle quelque chose de super important. Vous avez envie de voir Jamel Debbouze à Forêt Nationale. Vous vous inscrivez dès maintenant, vous envoyez Jamel ou Debbouze. Non, je vérifie. Super, l'animateur radio, génial quoi. Et même pas à jour. Non, mais ça fait vraiment pitié. Nous sommes bien d'accord. Mais non, ça arrive. Donc on vous envoie aller voir Jamel Debbouze. On vous fait gagner 2 entrées pour son spectacle dans cette émission. On tirera au sort parmi tous ceux qui ont envoyé humour entre 18h et 20h. Vous envoyez humour au 0488 106 800, message gratuit. Et on aura l'occasion de vous envoyer à Forêt Nationale. Le spectacle, c'est celui de Jamel Debbouze. Ça va être vraiment exceptionnel. C'est humour en toutes lettres. Humour, H-U-M-O-U-R. En majuscule ou en minuscule? Comme tu veux, comme tu le sens. D'accord, la première lettre en majuscule, elle reste en minuscule, ça ira. Est-ce qu'on peut aller se frapper dehors? Voilà, s'il n'y a pas la voix off, moi c'est mort. Ouais, mais lui, je te préviens, il envoie. Non, et ce sera donc à Forêt Nationale le samedi 12 octobre. Donc c'est très très bientôt le spectacle. On est les derniers à vous offrir des places, je pense que c'est complet. Donc Jamel Debbouze en spectacle, vous envoyez humour 0488 106 800. On sera ravis de vous envoyer là-bas. Maintenant, on va parler de notre winner de la semaine. On décerne l'award. Merci. Non, pas à toi, mais à des gens complètement inconscients qui font aussi des choses un petit peu bizarres. Ça c'est mes amis. Et là, c'était un mariage. Et ils veulent s'amuser. Et qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? Tiens, la belle idée. Oui. Ils font mettre de l'alcool dans leurs cheveux et ils les font flamber. Mais non. Ah mais je te jure. Mais non. Alors on Michael a Michael Jackson. On a la vidéo. Je sais pas. Voilà. Si les bruits vous permettent de d'entendre. C'est hyper dangereux en plus. Et en fait, voilà, c'est très impressionnant. Ils ont leurs cheveux en feu, ça pue le cochon cramé. Il ressemble à la figurine dans Ben 10, la trappelle ou pas quand on était petit. Ben 10, le petit dessin animé avec le bonhomme qui a une petite montre et il tourne et quand il tape dessus, il se transforme au monstre qu'il a choisi sur sa montre. Il y a un monstre comme ça avec les cheveux en feu. Et ils ont les cheveux en feu et ils sont foutus de l'alcool plein. Et donc après avoir bu un verre, c'est comme ça que ça se passe. Franchement, ne le faites pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'y pensez pas. Et c'est surtout que voilà, c'est un jeu qui peut vite virer à la catastrophe. Mais on vous rassure, sur les 6 personnes qui ont eu les cheveux en feu, aucun n'a eu de blessure ou de brûlure, vu que c'était une liqueur italienne qui leur a permis de faire ce délire. Mais non. Alors évidemment, le cerveau, il a pas flambé avec, mais à mon avis, il était déjà flambé, quoi. Tout à fait. Et c'est surtout que on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Ça réduit votre réaction, votre vue, votre audition, et vous met ainsi en danger et peut vous mener à faire des choses comme ça. Et donc voilà, l'alcool, c'est mal, on n'y touche pas. Et voilà. Nous, dans la suite, dans quelques instants, on va jouer à Bruxelles à l'appel. On va voir ta chronique qui concerne tous les objets insolites high-tech, spécial high-tech. Ça se passe dans un instant. N'oubliez pas, humour 0488 106 800. On vous envoie voir Jamel Debbouze. Jadoul, 18h-20h. Ah bah écoute, je sens qu'on va se quitter le temps d'une petite pause et on revient juste après ça avec notre dernière news insolite. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'à chaque fois que Terrence est là, on va toujours parler de Namur? 18h-20h. Jadoul. C'est Jadoul. Je serai toi, je vérifierai 2 fois que ton code est bien fermé à triple tour. Ah oui, mince. Parce que j'ai donné mon adresse. Non, mais pas pour ça. Parce que figure-toi que il y a eu un cambrioleur qui était en bien mauvaise posture et qui a été secouru par les passants. En fait, à Namur, vendredi dernier vers 22h15, le cambrioleur avait réussi à s'introduire via le soupirail, donc via le trottoir, tu vois. Oui, je vois. Dans une maroquinerie de la rue de la Croix pour y dérober le contenu d'une caisse. Plusieurs articles pour un bulletin total évalué à 1500 euros. Le propriétaire de la boutique a confirmé sa frustration à Sud Presse et non seulement l'alarme s'est déclenchée et la police a été prévenue, mais aucun agent ne s'est pourtant présenté sur les lieux. Pour couronner le tout, le voleur a pu s'échapper alors qu'il était pris au piège dans le soupirail. En effet, en bien mauvaise posture, le cambrioleur n'a pas dû son... En fait, il était bloqué dans le soupirail. Et bloqué, c'est les parents, les passants dans la rue qui sont venus. Ah, écoutez, monsieur, on va vous aider. Attendez, accrochez-vous. Et en fait, ils l'ont secouru comme ça, le pauvre. Et il a été libéré par les passants. Il a pris la fuite. Ah, avec l'argent? Bah oui. Mais mon Dieu, je sais pas qui est le plus bête entre le cambrioleur ou les passants. Mais ou les policiers ou... Non mais tu vois un mec coincé dans la rue, tu te dis pas merde, c'est un cambrioleur. Tu te dis bah le mec, il a voulu passer dans son super-rail et il est resté coincé. Oui, mais il avait suffit. Sûrement l'argent. Il suffit que le cambrioleur. Oui, non, mais il sort pas. Attends, il sort pas avec un billet avec un dollar dessiné dessus comme dans les films. J'ai cambriolé ceci avec une petite flèche, tu sais. Attention, ne me touchez pas, je suis dangereux. Tu sais, comme les pulls humoristiques, je peux pas, j'ai la flemme. Bah là, lui, c'est je peux pas, je cambriole. <C'est>... Ouvrez-moi, je cambriole. C'est vraiment ça, tu sais. Non mais. T'sais... Attends, il serait capable d'aller sonner chez des gens. Excusez-moi, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai pas les clés. Bah oui, alors. Et du coup, je peux pas cambrioler, donc je voulais savoir si vous voulez bien m'ouvrir la porte, s'il vous plaît, parce que je dois vous cambrioler. Non, à pire, j'imagine un muet qui cambriole une banque avec sur son pull marqué « Oh les mains !» Ce serait quand même exceptionnel. Il fait un langage des signes, tu sais. Là, tout le monde danse avec lui. Ils ont pas compris que c'était, ouais, c'était pas une Corée. Ouais, c'est ça. J'imagine trop le délire. Ah là là, on part dans des débats, mais qu'est-ce qu'on fait là? Jadoul, 18h-20h. Bienvenue, on est en direct. Jadoul, 18h-20h. Et merci de nous avoir rejoints. Dans quelques instants, on va jouer à Bruxelles à l'appel, le célèbre jeu de cette émission. Franchement, on va se marrer. Et j'annonce une bonne nouvelle. Ouais, c'est que dès la semaine prochaine, on fait encore des petits agencements dans ce studio et voilà, et on aura de quoi avoir vraiment tous les bruitages comme ceux qui ont connu la rabrek et tout ça, toutes ces émissions. Je vous demande de vous arrêter. Et tous nos sons reviendront. C'est juste une question voilà de temps. On a une équipe technique très soudée qui travaille sur le sujet. D'ailleurs, je les salue et je les embrasse, Corentin Thomas. Et voilà, et franchement, vous faites du très bon travail. Je tenais à vous le dire. Dans cette émission, tout de suite, je vais vous parler quand même d'un Espagnol qui a un peu craqué, pour vous dire. Il a du talent, hein. C'est un hacker. Et il réussit à bloquer des sites web. Bon, il faut déjà un petit peu quand même de l'expérience pour. Il faut savoir comment s'y prendre, savoir comment s'y prendre. Hein. Oui, oui, je sais. Alors, je peux juste te faire une remarque très gentille. Oui, vas-y, dis-moi. Tu arrêtes de me reprendre, merci. Voilà, je voulais juste te dire ça. Alors, non. L'Espagnol, à un moment, il s'est dit, bon, je vais bloquer le site web de la mairie. Mais non. Parce qu'attends, il veut pas bloquer un gros site web, il veut pas bloquer Facebook, il veut pas s'attaquer à Amazon. Mais non, parce que sinon il aurait plus Amazon ni Facebook. Il préfère s'attaquer. Il s'en fout de la mairie. Au site de sa mairie. Alors cette cyberattaque est géniale quand même parce que c'était la mairie de Jerez de la Fontrera en Andalousie. Merci pour cet accent, je sais très bien. Et en fait, il a dit bah tiens, faire une attaque cyberattaque, c'est bien. Demander une rançon, c'est mieux. Donc, il a demandé une rançon à la mairie et la mairie espagnole s'est vue. Une rançon, j'ai pas compris pourquoi. Une rançon, c'est-à-dire que c'est un, ils pour récupérer leur site. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent le site en otage. Le mec, je vous ai bloqué votre site, et il sera bloqué tant que vous me donnez pas de l'argent, quoi. Et il est trop fort. Bah si, c'est vrai. Et alors, il a pas pensé à faire ça avec la Maison Blanche. Des techniciens de la ville commencent à travailler jour et nuit pour essayer de désinfecter les serveurs, à essayer de récupérer leur site internet. Bonne nouvelle, rien n'a été perdu et le site est intact. Mais en attendant, le hacker n'a pas été payé et au final, les 200 000 habitants de la ville ont réussi à de nouveau avoir le site internet de leur lieu d'habitation. C'est quand même pas mal, non, comme histoire. Ouais, c'est super, mais il penserait pas à faire ça avec la Maison Blanche, il aurait beaucoup plus d'argent. Ouais, mais t'attaquer au Pentagone ou la Maison Blanche, c'est généralement peu le bon plan parce que ils ont une petite équipe, tu vois, FBI, un truc comme ça. Oui, je vois. C'est les bonhommes bleus, là. Ouais, bonhommes bleus. Avec une écriture jaune à l'arrière. Ça, ils font des gestes bizarres en faisant avec les voitures aussi. Et ils ont des espèces de... je sais pas ce que c'est, à quoi c'est ça ressemble. Oui, ça c'est un gros appareil. Les nerfs, les machins, les nerfs, avec des petites fléchettes. Voilà. Alors le bout n'est pas orange, je ne comprends pas pourquoi, peut-être un défaut de fabrication. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, quand tu les as sur le peintre, t'es un peu mal barré. 18h-20h, c'est Jadoul. Jadoul. Merci de nous avoir choisis en live jusqu'à 20h. On est dans la seule émission qui vous accompagne le samedi soir en direct. Vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles en FM. Vous nous contactez par SMS. 0488 106 800. C'était très sensuel comme voix, merci beaucoup. Mais de rien. Comme quoi avoir la voix cassée, ça sert parfois. On revient dans un instant avec les infos. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. 1, 2, 3. 18h-20h, c'est Jadoul. Jadoul. Avec 10% de mauvaise foi. Quel bonheur de vous retrouver chaque samedi soir. On prend vraiment un malin plaisir à se retrouver et à vous lire toute l'actualité et surtout à déconner ensemble. L'équipe tourne et visiblement, au début, ça me faisait très peur. Cette rotation dans les équipes, le fait que chaque semaine, on ait des gens différents dans l'émission. Ouais. Mais ça apporte quelque chose. Je trouve que ça amène tout le temps un vent de fraîcheur parce que comme ça, les gens, tu vois, ils sont pas tout le temps dans leur... Mais après, surtout que c'est moins cher. Non, je regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous par SMS, on lit tout ça en direct. 0488 106 800. Je vous rappelle, Jamel Debbouze en spectacle. On vous offre deux invitations ce soir pour aller le voir et aller l'applaudir et aller éclater de rire à ces spectacles. Moi j'adore Jamel Debbouze. J'adore Jamel Debbouze, c'est ce que j'allais dire aussi justement. Il est excellent, il est beaucoup trop drôle. Beaucoup trop. Il est tout petit là. Tout petit là et je sais pas. Il fait un peu... non vraiment, il me fait beaucoup trop rire. Ah bah très bien. Avec son... Ben, figurez-vous que vous allez éviter de devoir payer des billets à 54 euros vu qu'on vous les offre et vous allez pouvoir l'applaudir le samedi 12 juillet et je vous annonce que ce ne sera pas un prétexte pour rater Jadoul car c'est à 20h le spectacle donc vous avez les 2 heures avant pour nous écouter. Bah, pour la voiture vous avez le temps d'aller jusqu'en voiture jusque là. Voilà et voilà. En voiture vous mettez le 106.8 pour aller à la forêt nationale. Quand vous trouvez une place de parking vous entendrez bien la fin de l'émission voilà. Et ce sera un plaisir de vous envoyer. Ça vous envoyez humour HUMOUR par SMS. Le SMS est gratuit. 0488 106 800. Jadoul, est-ce que les gens de l'équipe ont le droit de le faire aussi ou pas? Non. Autant te dire qu'on laisse ça pour nos auditeurs. Oh, si je suis auditeur parce que là je m'écoute dans le casque. Ouais mais non si je... Bon écoute, on t'explique le principe de la radio dans quelques instants. Ok, ça marche. Et dans quelques instants on aura également l'occasion de se marrer et je vais aussi te parler de personnes qui ont commandé un truc dans un restaurant à Rome. C'est complètement incroyable et ça se passe dans un instant. Restez branchés. Vous écoutez le 18h-20h. Merci de nous avoir choisis. Vous nous faites un immense bonheur. En choisissant Jadoul, le 18h-20h, on vous accompagne. Le pire de l'actualité a été sélectionné rien que pour vous. Et on a baptisé cette séquence car oui, on a des cerveaux qui fonctionnent parfois. On vous le garantit. Parfois, hein, c'est pas toujours garanti. Voici les news de la semaine. 4, 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. Et on va jouer, puisque je vais te faire deviner un petit peu combien a payé des touristes des spaghettis et un poisson dans un restaurant à Rome. À combien s'élevait l'addition? On démarre le chrono et je t'écoute. 100 euros. C'est un peu le juste prix. Hein. 100 euros plus cher. 150. Plus cher. 200. Plus cher. 250. Plus cher. 300. Plus cher. Adjugé. Plus cher. 350. Plus cher. 400. Plus cher. 600. Non, t'es pas loin. 500. T'es pas loin. 500. Non, moins. 480. 430 euros, ils ont payé leur spaghetti et un poisson. C'est complètement incroyable. Ça veut dire que il y a plus de limite. Mais t'as plus de limite. C'est à 430 euros, mais des spaghettis en plus. Enfin, je veux dire, c'est des pâtes, quoi. Enfin, là, quand tu payes ce prix-là, tu embauches la cuisinière qui va avec. Le poisson, il était unique dans son espèce ou ça se passe comment? Mais genre, il y avait que un poisson comme ça sur la terre. Le pire, c'est que les clients ont refusé de payer, donc ça c'est tout à fait normal. Ouais. Mais ils ont posté leur addition sur TripAdvisor. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle une addition très salée, vu que le couple de touristes japonais a eu cette énorme surprise, 430 euros. À mon avis, en fait, ça devait être genre 43 euros et à mon avis, il y a un zéro qui s'est rajouté, c'est peut-être pas possible. Alors, selon le journal italien que je vais très certainement écorcher, mais qui s'appelle Corriere della Sera, a rapporté l'info comme quoi, en fait, c'est normal qu'ils ont payé ce prix-là, vu qu'ils ont pris tous des plats où il y avait du poisson. Et donc, le restaurant exigeait 350 euros pour les mets, et à cela s'ajoute 80 euros pour le service. Refusant de payer, ils ont posté l'addition sur TripAdvisor. Alors, le restaurant n'a pas commis d'erreur vu qu'ils assument et lisent notre menu est clair. Et au final, selon le restaurateur, les deux touristes ont eu le choix d'opter pour du poisson frais. Donc, c'est à eux d'assumer les tarifs affichés, ils devaient faire avec. Et voilà, maintenant, ils condamnent fermement ton comportement qui n'est pas basé sur la transparence. Et c'est vrai que maintenant, ça crée débat. Peut-on aller jusqu'à 430 euros avec 4 assiettes de poisson, tu vois? C'est compliqué. Ouais, quand tu dis que t'es dans un restaurant qui n'est... Enfin, c'est pas un 5 étoiles, tu vois? C'est même pas du... Comment on dit encore? La cuisine... allez... Tu sais, quand t'as deux noisettes dans ton assiette, là. Ah, gastronomique. Voilà. C'est même pas de la cuisine gastronomique. Ah non, c'était pas de la gastro, voilà. Non. C'était, Pour moi, c'est honteux, vraiment. Moi, je trouve simplement que ça se fait pas pour des spaghettis au poisson. Enfin, je veux dire, voilà. Après, ils avaient pas à refuser de payer non plus parce qu'ils avaient le prix affiché sur la carte. Si, d'après ce que tu dis, ils ont été honnêtes, le restaurant était honnête. Selon moi, ils auraient dû payer. Ils ont vu le prix, ils ont commandé, ben voilà. Je t'avoue qu'en préparant cette émission, je voulais vraiment en savoir plus et pousser mon enquête au maximum. Sauf que tous les articles étaient écrits en italien et mon italien est un peu rouillé. Traduction. Qu'il est inexistant. Et Google Traduction, je me méfie. Parce que pour des articles qui sont parfois écrits très subtilement, j'avais pas envie de me planter. Donc voilà, j'ai pris un article qui parlait français de cette actualité. Mais c'est vrai que moi, ça m'intrigue beaucoup. Quelle a été la suite de l'histoire? Est-ce qu'ils ont vraiment payé? Vu qu'ils ont refusé de payer, est-ce que TripAdvisor a pris des mesures? Est-ce qu'ils ont pris parti? Ça, on ne le sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, 0488-106-800. Il y a Hanan qui nous dit qu'elle est choquée. Elle est choquée, bah oui, bah moi aussi. Moi aussi, Hanan. Bah franchement, moi, je t'avoue que... Mais moi, après... J'arrive et j'ai une addition comme ça. Imagine, on est fin du mois et t'es un mec, t'as des moyens limités. Tu l'as vu l'addition, Thomas, tu l'as vu l'addition. C'est, si tu payes 450 euros, que c'était marqué sur le menu et que t'as pas lu le menu, c'est un peu ta faute. Après, t'as dit qu'ils étaient japonais, est-ce qu'ils parlent italien? Ça, on sait pas aussi, tu sais, enfin... Mais même, t'as le menu. C'est pas les mêmes prix non plus, tu vois, ils payent pas ça en euros. T'as le menu, t'es en Italie, c'est écrit en toutes les langues, je suppose, et à un moment, bon, bah voilà, et si tu comprends pas, tu demandes au serveur, et puis un chiffre reste un chiffre. C'est vrai. Voilà. À moins qu'ils... Donc voilà, donc à partir du moment où ils l'ont lu, bah, ils auraient dû payer. Mais c'est vrai que c'est cher. Pour le restaurant, c'est pas honnête aussi de faire payer des choses comme ça aux gens. Enfin, mais voilà. Imagine, ça explose leur budget vacances. Ça se trouve, ils ont pas les moyens de retourner. Mais oui. Ils sont bloqués à Rome, tu vois, toute leur vie. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Et franchement, ça valait la peine qu'on en parle ce soir. 18h-20h, c'est Jadoul. Merci de nous avoir choisis, on est en direct. Au moment où je vous parle, il est 19h20, ouais, comme quand on vous prouve qu'on est en direct. On a du cadeau pour vous, Jamel Debbouze en spectacle le 12 octobre à Forêt Nationale. On vous fait gagner ça, vous envoyez humour 0488-106-800. On tire au sort un gagnant entre 18h et 20h, participez. Jadoul, 18h-20h, c'est Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. Et la séquence tant attendue, c'est celle de Terence qui va nous faire maintenant ces objets insolites spécial high-tech cette semaine. High-tech, voilà, spécial connecté. Alors, donc on a pour commencer le Pavlok bracelet. Donc, Pavlok bracelet qui fait référence au chien de Pavlov. Je sais pas si tu connais l'expérience. Le chien qui salive lorsqu'il a à manger. Ah alors, oui, je vois. Le principe du conditionnement. Mais alors là, c'est la même chose. Avec un bracelet électrique. Donc, à chaque fois, par exemple, que tu dépenses de trop avec ton argent. Ouais. Le bracelet t'envoie une petite drine qui peut aller de 340 volts, pour te dire d'arrêter. Donc, arrête ça, voilà. Voilà, 340 volts. Quand tu dépenses de trop, ça peut être aussi quand tu bouges de trop, quand tu... Voilà, il y a vraiment plein de fonctionnalités là-dessus. Et pour les masochistes, ben, c'est vraiment super. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ceux qui, Alors, il y a aussi le Roll Scoot pour connecter votre papier toilette. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vais juste faire une petite précision. La voix de Terence, ce n'est pas sa vraie voix. Il en a emprunté une pour cette émission, puisqu'en fait... Plus, alors on m'a donné une demi-voix. Voilà, un baptême, du coup, voilà. Il a une voix à demi-teinte. Voilà, et c'est ce qui donne ce petit timbre qu'on apprécie et qu'on commence à s'y faire. Il est pas mal. J'aimerais bien, en fait, avoir ma voix tout le temps comme ça. Moi, non. Non. D'accord. Donc il y a le Roll Scoot pour connecter votre papier toilette. Donc c'est rien de plus que simplement ça prévient lorsqu'il y a plus assez de papier. Donc ça envoie une notification sur ton téléphone. Et alors attention, ça sort tout seul. Il détecte lorsque t'as besoin de papier et il te sort tout seul le papier. Ça contrôle en permanence le niveau de papier qu'il y a dans tes toilettes. Voilà, c'est vraiment génial. Et alors c'est au prix de 59 euros. Enfin voilà. Ouais, faut se payer le luxe quoi. Hein. Bah c'est moins cher que le Pavlok qui coûte 150 euros, mais enfin voilà. Ah oui, ok. Alors ce qu'on a aussi, c'est une petite pastille qu'on met sur le front pour analyser notre sommeil. au prix de 120 €. Une pastille, donc voilà, elle est connectée. Voilà, une pastille connectée, c'est ça. Et alors on voit un schéma après sur son téléphone qui permet de dire si on a bien dormi, dans quelle position il faut se mettre aussi. Ça existe aussi sous forme de bague. Ouais. Et pareil, ça t'envoie aussi des petites drines électriques lorsque tu ronfles pour ta femme, c'est assez bien. Mais figure-toi que j'ai un pote, j'étais très proche d'un pote à un moment, et il m'avait dit, écoute, Jadou, faut vraiment que t'essayes une application qui te permet de mesurer ton sommeil avec précision avec les coordonnées GPS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton iPhone, t'étais obligé de le poser sur ton matelas. Donc, ouais. Voilà, tu le poses avec sur le matelas, chargé pour que la nuit en même temps il charge, et il analyse les mouvements que le matelas fait. Donc c'est-à-dire si tu te retournes, si t'as eu en fait un sommeil agité ou non, et grâce à la boussole de l'iPhone, tu vois, quand tu l'inclines, ouais, tu peux faire niveau avec. Donc il comprend quand il est incliné ou pas. Donc quand ton matelas bouge, il en déduit que t'as eu un sommeil agité. Et à la fin, quand tu te réveilles le matin, ça te sert à rien si ce n'est qu'à comprendre que t'es bien fatigué, ou de comprendre pourquoi est-ce que ton lit est complètement défait, c'est parce que t'as eu un sommeil agité. Et alors double avantage de cette application, ça te chauffe ton téléphone à mort et ça te fait une bouillotte dans ton lit. Et deux, ça explose ta batterie, ça ne sert à rien. Et l'application est désinstallée pour c'est moi. Super bien vendu, j'achète ça, Thomas. Ah, mais merci. Non, c'était pas pour la vente, c'est juste pour dire que j'ai testé et j'ai pas aimé. Voilà. Mais il y a un truc aussi qui est un peu dangereux avec cette chose là sur le fond. C'est que j'avais lu ça sur l'article. Ça peut aller jusque où? Parce que là, on check ton sommeil avec les ondes aussi de ton cerveau. Et parce que ça, j'ai oublié de le dire. Ça peut aller jusque où? Filmer tes rêves. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est là qu'il y aura un scandale parce qu'ils auront revendu les données de nos cerveaux. Voilà, c'est ça quoi. Alors, le dernier, c'est un robot qui tue les moustiques à rayons laser. Alors, il fait face à Terminator. Hein, il peut défoncer tout le monde. Ce robot-là, il est génial. C'est un machin à roulettes. Avec un petit bras, et alors dès qu'il y a des moustiques ou des mouches, ça envoie des rayons laser. Je sais pas ce que ça fait s'il passe à côté de soi. Je te pose juste une question, est-ce que tu t'es endormi à un moment en préparant cette chronique, puisque ça me semble complètement surréaliste. Ah ouais, tu veux que je te montre l'image? Mais franchement, moi ça m'impressionne. Un truc laser, mais déjà les lasers c'est très réglementé, ça devrait être compliqué. Je sais pas si c'est un laser ou si c'était des ondes ou quoi, mais moi ils avaient parlé de laser. Ah, ils avaient peut-être même fait des ondes. Ils avaient même fait allusion à Terminator. Non mais ça existe, hein. Tu mets un petit appareil dans ta prise en été comme ça avec un produit qui est diffusé. En même temps une onde sonore que toi tu ne peux pas entendre mais que les moustiques entendent et qui les font mourir et donc je sais que ça existe. Après laser, imagine t'as plein de trous dans ta pièce parce que le laser il a cru voir des mouches à droite à gauche enfin voilà. Non vraiment ça existe vraiment, j'ai vu l'image, c'était un machin à roulettes et ça envoyait des voilà. On est dans Star Wars. C'est peut-être des lasers qui sont nocifs pour nous, hein. Je sais pas. Franchement, je n'irai pas creuser, je n'irai pas l'acheter, je t'avoue. Puis voilà, moi j'ai jamais de problème avec les moustiques. Bah, ils sont gentils les moustiques. Ouais, moi je les caresse. Ouais, ok, dresseur de moustiques maintenant en plus. Le mec au lieu de faire la flûte, en fait, il casse sa voix et ça les attire tous. Et il les éduque comme ça va être génial. La suite de Jadoul, ça se passe avec Bruxelles à l'appel. On va jouer dans un instant. Vous écoutez le 18h-20h. Mais d'abord, ça va, ça vient avec Vita et Slimane. Ben je confirme, qu'est-ce qu'on est bien en étant direct avec vous et c'est un pur plaisir. J'ai jamais mis autant d'intonation dans ce mot. Pur plaisir. Pur plaisir. C'est vraiment ça. Là, t'as retrouvé ta voix, bizarrement, pour ça. J'avais pas une voix comme ça, moi. N'importe quoi. J'avais fait de la radio rapidement comme ça. Quelqu'un peut venir le chercher. On en peut plus, je vous le dis. Jadoul. D'accord, très bien. On va pas t'engager. Jadoul. Jadoul. Mais Jadoul, mais qu'est-ce que tu fous? Jadoul. Ah, ce Jadoul. Mais tu exagères, mon vieux. 18h-20h. Merci de nous avoir choisis. alors, je sais pas si t'as suivi la keynote d'Apple. Tant qu'on est dans les trucs high-tech, on regroupe. T'inquiète pas, on fait à la bonne franquette ici. Tu essaies d'imiter ma voix là ou... Quelqu'un revue du couscous? Non, tu étais à la bonne franquette. Il y avait franchement, des couscous. Vous êtes à la table, Jadoul. On est entre nous, entre auditeurs. Voilà, entre on amis. Lit vos SMS. Tiens, pour réagir, on avait fait la news avec un cambrioleur qui était resté coincé. Mm-hmm. Dans la soute d'un magasin là dans le truc. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui dit franchement si je l'aurais secouru, j'aurais pris son butin. En vrai, c'est vrai, tu prends le mec pour t'avoir sauvé. C'est ça, tout à fait. Non, nous en ce qui nous concerne, alors t'as un iPhone. Ouais. Moi aussi. On est quand même d'accord, quoi qu'il arrive, un iPhone, ça coûte cher. C'est, ça coûte cher. C'est, voilà, c'est un budget. Ouais. Moi, le mien, il est vraiment en train de rendre l'âme. D'ailleurs, je le vends. Hein, quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez combien, un pièce. Combien? J'en sais rien, je sais même pas ce qu'il vaut, franchement. T'as plus, bah, vas-y. C'est un iPhone 6S Plus. Plein d'auditeurs, je sais pas ce qu'il vaut. Vas-y. Bref, non, mais je suis pas là pour ça. En fait, je me suis renseigné pour acheter l'iPhone 11. Alors, j'hésite, tu vois, je prends normal le Pro. Et bon, évidemment, il y a une différence de 500€ entre chaque modèle. Mais ouais, l'iPhone va sortir dans une version low cost. Oui, Apple, oui, a annoncé maintenant la sortie prévue pour l'an prochain d'un iPhone qui s'appellerait SE. Ils avaient déjà eu l'occasion de faire ça, tu vois. Oui, avec le 5. Ouais, c'est ça, l'iPhone. Enfin, on voyait. Ça m'a fait rire parce que personne n'avait vu la différence. Tu vois, tout le monde se demandait, mais il a quoi de différent, oui, par rapport à, par rapport aux autres. Pas grand-chose. Et donc en fait, c'est juste le prix. Le prix qui a changé. Mais j'avais juste une question. Enfin, non, pas une question, juste une question. Je revends 250€. Ah, pas mal, pas mal. Non, je déconne, c'est de blague. Hein. Non, mais j'avais juste une information. Non, envoyez pas des SMS. C'est pas une source sûre, mais j'ai entendu parler qu'apparemment, finalement, ils ne le vendraient plus. Celui à 600 et des euros. Le 11 à 600 et des euros, apparemment, ils ne le vendraient plus. Ben non, c'est pas une source sûre, donc je vais pas faire de rumeurs. C'est faux. Voilà, d'accord. C'est faux. Donc ce serait le SE2 qui devrait sortir aux alentours de 500€. Et oui, il avait été effectivement déjà fait pour l'iPhone 5C. Non, mais ça, je savais pas. Et donc. Non, je parlais pas de celui-là, je parlais encore de. Ouais, non, bah, c'est pas grave. Tu veux qu'on t'achète des amis, peut-être. Tu discuteras avec eux de tout ça parce que j'ai pas tout suivi. Et donc, non, là en fait, c'est pour un petit peu élargir sa gamme d'iPhone. Ils ont sorti le 11 et le 11 Pro, mais c'est vrai que c'est des modèles qui avoisinent à partir de 1159€, donc c'est pas donné. Et ils vont peut-être maintenant lancer un truc un petit peu plus accessible, c'est vrai. Ça, c'est bien. Il faut rester concurrentiel. C'est bien. Et je suis désolé, j'étais chez des potes jeudi soir à un dîner vers 1h du matin, je sais pas pourquoi, on a commencé à avoir un débat iPhone et on s'est dit, bah, il y a quoi qu'il arrive. C'est peut-être très bien, les Samsung font de très bons appareils photo, je suis d'accord. Ils font de sur les téléphones, hein, je parle. Et ils font de très bons produits mobiles, mais en attendant, iOS et l'iPhone, bah, c'est efficace et t'es sûr de ton truc, quoi, tu vois. L'iPhone, ça dure 4 ans, tu sais qu'il va durer 4 ans, quoi qu'il arrive, sauf si tu l'exploses, comme tu viens de le faire. Il a explosé, il marche encore très bien, enfin, quoique. Voilà, moi je compte en racheter, mais ça c'est autre chose. Après bon, moi j'ai des connaissances aussi qui sont aussi capables de faire. Ah mais non, mais moi je comprends pas, mon iPhone il fonctionne pas. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben je l'ai éclaté contre une porte l'autre jour. Je comprends pas ce qui mais s'est après, passé. Comme tu dis, avec les Android, en fait il y a des très bons Android, des fois même des meilleurs que les iPhones, ça je suis totalement d'accord. Les Xiaomi ils sont super par exemple, mais on sait jamais sur quoi tomber. On sait jamais si le processus va fonctionner parce que Android c'est une version qui est universelle comme Windows. Tous les ordinateurs fonctionnent sur Windows. Donc c'est pas adapté au téléphone en particulier. C'est les gens qui fabriquent le téléphone qui doivent faire leur propre programme Android. Et donc ouais, on sait jamais sur quoi tomber en fait. C'est toujours est-ce compliqué. Que le programme va fonctionner, est-ce qu'il va tenir au téléphone, est-ce qu'il est pas trop gros, est-ce qu'il y aura assez de mémoire. Voilà. Ah, c'est toujours compliqué. Team iPhone ou pas, est-ce que vous êtes pour qu'il sorte un iPhone cheap, pas cher et comme ça on a quand même un iPhone, je trouve que c'est génial parce qu'il y a des familles qui peuvent pas se permettre de s'acheter voilà, un iPhone. Et puis même pour les parents leur gosse ouais, j'ai un iPhone. Bah t'as qu'à te l'acheter, t'as qu'à travailler. Ouais, mais je gagne que 500€. Ouais, bah alors bah tiens, prends l'iPhone SE et c'est une solution pour eux, je trouve, et c'est plutôt pas mal. Jadoul, 18h20. Numéro de téléphone pour les SMS. 0488 106 800. Tu m'impressionnes. J'étais... Oh là là, bravo. Tout retenu. La poignée de main, merci beaucoup. Et voici Ozuna, Daddy Yankee et J Balvin. Merci de nous avoir choisi dans quelques instants. Mais pas dans quelques instants, là, tout de suite, juste après ça, on va jouer à Bruxelles à l'appel. Le célèbre jeu revient dans quelques instants. On va se marrer avec Terence. Ça se passe dans un instant. Ça se passe dans Jadoul. On est ensemble jusqu'à 20h. Merci de nous avoir choisi. Merci à vous. 18h-20h, c'est Jadoul. Vous nous écoutez en direct, on est ensemble jusqu'à 20h et on démarre maintenant la séquence. Tant attendu, c'est le Bruxelles à l'appel. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. Bruxelles à l'appel, je vous rappelle le principe. On joue avec le chroniqueur du jour qui est Terence. Comment ça va? Mais ça va super bien, et toi? Alors, durant 2 secondes, je me suis pris pour Nagui. Ça fait vraiment... Ouais. Alors, ce soir, le candidat que l'on reçoit, Terence Bernard. Venez d'où? Alors, je viens de Arlon. Bon, bref. J'avais juste une question, en fait. Ouais. J'ai jamais su, est-ce que c'est Bruxelles à l'appel, genre comme un appel, ou Bruxelles à l'appel, genre comme une pelle. Mais c'est ça le principe de cette séquence. On crée la confusion, c'est Bruxelles. Bam, à l'appel dans la figure si tu te plantes. Et Bruxelles à l'appel car vous participez avec nous. 0488 106 800. Vous jouez, vous répondez en même temps que Terrence. Et on aura peut-être l'occasion de vous envoyer des petits cadeaux. D'ailleurs on rappelle, cadeau, vous envoyez humour 0488 106 800. Et grâce à ça vous allez pouvoir aller voir Jamel Debbouze le 12 octobre à Forêt Nationale. Et franchement, spectacle qui vaut le coup. Et franchement j'espère que vous allez le remporter. Première question. Ouais, 5 questions, on rappelle évidemment, il faut faire le moins de mauvaises réponses. Ouais, bah forcément. Attention, on parle des ours. D'accord. Même s'ils sont solitaires, les grizzlies pêchent en équipe et sont très bien organisés. Vrai ou c'est faux? Vrai, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, ouais, j'ai déjà vu des reportages. Ah bah c'est une mauvaise réponse. Quoi? Figure-toi que malgré les apparences, les grizzlies ne pêchent pas en équipe. Lorsqu'il y a une abondance de poissons durant la migration des saumons, chaque grizzly occupe un territoire défini. Les plus puissants d'entre eux s'approprient les meilleurs emplacements. Donc en gros c'est vraiment la loi de la jungle. J'ai déjà vu des reportages où on voyait qu'ils plongent en même temps. Et en fait ils font des petits pièges et tout. Enfin, c'est bizarre. Bah voilà, nous allons parler maintenant des femmes marquantes. Allez. Alors on va parler de toutes tes ex, non. On va parler de tennis. Aucune femme n'a jamais servi à plus de 200 km/h. Au tennis, paf, à 200 km/h. Est-ce qu'une femme a réussi à dépasser ça ou aller au moins jusqu'aux 200 km/h? Vite une réponse. Oui, vrai. Tu dirais vrai? Et mauvaise réponse, figure-toi que beaucoup d'entre elles, Venus Williams, Serena Williams, Julia George, Caroline Garcia et plusieurs d'entre elles ont réussi des services qui dépassaient les 200 km/h. Donc, mais voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elles ont réussi. C'est vrai? J'ai dit vrai. Ah. Non mais ma question c'était, est-ce qu'il est vrai ou faux qu'aucune femme a dépassé? Ben j'avais pas compris. Ben voilà, excuse-moi. Et ben... nous allons parler de quelque chose qui te concerne visiblement à t'entendre ce soir, la maladie. D'accord. Ben, je suis toujours malade moi. Mais là c'est une vraie question. Peut-on vivre avec l'hépatite B sans le savoir? Vrai. Bonne réponse. Figure-toi que 30% des personnes souffrent d'hépatite B et présentent des symptômes. Pour les autres, cette maladie est silencieuse et dans les deux cas, il n'existe aucune cure. Donc, on rappelle évidemment qu'il y a des associations qui œuvrent pour ces causes-là et je vous invite vivement à les soutenir. Sport, ça te parle? Bah, ça me parle. Vite fait. Moi, je suis un sportif. Bon, ok. Alors, il est autant sportif que Jean-Pierre Pernaut et Star du Rock. Voilà. Vous voyez à peu près. Nous allons parler des grands athlètes. Voici la question. T'as vraiment pas de peau. Hein. Jess Owens a battu 5 records du monde d'athlétisme en 45 minutes. Tu peux répéter la question? Jess Owens a battu 5 records du monde d'athlétisme en 45 minutes. Vrai. Je peux le redire de la même façon 10 fois. Tu dirais vrai. Tu peux le redire pour le plaisir. Jeff Owens. Ah ben, allez, c'est bon. C'est la réponse, c'est vrai, effectivement. Bonne réponse. En 1935, en moins de 45 minutes, Jeff Owens bat 5 records du monde. En plus d'en élaguer un autre, par manque du temps, il n'effectuera qu'un saut en longueur. En 36, il remporte 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin devant un Adolf Hitler médusé qui rêvait de ces Jeux Olympiques puisse démontrer la supériorité du peuple allemand. Donc voilà, au final, pas mal hein, quand même le gars. Ouais, ouais. Franchement, on a appris pas mal de choses. On a fait le nombre de questions qu'il fallait? Là, on est à 4 questions. 4 questions, c'est très bien, ça nous laisse le temps de faire... Il n'y en a pas une pour me départager? Parce que là, je suis de fautes de vrai. De fautes de vrai. Nous allons parler des Marvel. D'accord. Est-ce que tu y arrives? Ça va, j'ai regardé juste le dernier film, mais rien de, aucun des autres, donc... Ouais, ok, donc j'espère pour toi que ça va aller. Avengers, Endgame. Oui, celui-là, quoi. Voilà. C'est très bien. A été le premier film de Marvel à être classé R. Je sais pas ce que ça veut dire classé R, mais je vais dire oui. Tu dirais vrai. Parce qu'il est exceptionnel. Et là, tout se joue là-dessus. Mauvaise réponse. Sérieux? Non, figure-toi que c'est faux. Il a été coté PG-13. C'est quoi en PG-R? Revanche, Deadpool et Deadpool 2 ont été deux films classés R aux États-Unis. En fait, c'est une classification aux États-Unis qui catégorie, comme nous on a interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, ouais. 16 ans, 18 ouais. ans. Et ben, c'est leur classification à eux, comme les PEGI, tout ça. D'accord, ok, voilà. Oui, je vois. On pouvait pas savoir en même temps, mais ça joue sur la culture générale, donc voilà, bon, bah, okay, pourquoi pas. Non, écoute, bah, franchement, tu t'es débrouillé comment? Combien de mauvaises réponses? Bah, du coup, j'ai 3 mauvaises réponses et 2 vraies. 2 mauvaises réponses et 3 mauvaises réponses. 3 mauvaises réponses et 2 vraies. Ça, c'est pas top, hein. C'est pas top. Mais il y en a une des 3 mauvaises réponses où j'avais répondu vrai, mais faux, parce que j'avais juste pas compris la question, parce que je suis débile. Monsieur Terrence, nous allons convoquer vos parents et faire une réunion de parents. Monsieur Jadoul, non, s'il vous plaît, pas mon père. Ah bah, je suis désolé, ça va être comme ça. Jadoul, 18h-20h. Non, je déconne, écoute, semaine prochaine, si t'arrives à juste un petit peu relever le niveau, la prochaine fois que tu viens, en tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Attends, je retiens. Holton Road, avec Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, c'est maintenant. Super ça. À la cool, le samedi soir, merci de nous avoir choisis. Et franchement, tous vos SMS aujourd'hui me font méga plaisir. Vous suivez l'émission, vous réagissez. Et franchement, vous amenez des débats intéressants, puisqu'on a fait le débat sur l'iPhone. Vous étiez à 100% d'accord avec nous qu'il fallait quand même démocratiser le truc. On embrasse vraiment tous ceux qui nous écoutent. Grâce à vous, cette émission avance. C'est aussi la vôtre. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont dit que les Android étaient mieux. J'ai vu beaucoup plus de gens qui ont dit Android, on préfère, que des gens qui ont dit iPhone, on préfère. On entend beaucoup les gens qui ont des iPhones parce que on va s'avouer qu'on est des grandes gueules. Voilà, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que plein de gens ont des Android. Des Android, mais ils sont magnifiques en ce moment. Oui, vraiment. Il y a des beaux écrans. Des écrans incroyables et avec tu sais les bords incurvés comme là, ça. Récemment, Xiaomi a sorti le premier téléphone transparent avec l'écran des deux côtés. On en reparlera peut-être. L'écran des deux côtés. Ouais. J'aimerais bien faire une chronique dessus. Moi, je me souviens, petite anecdote de vieux, quand on avait, tu vois, les téléphones, ils avaient un clapet. Oui. Et que le clapet, quand tu le refermais, t'avais un petit écran pourri. Mais t'avais un petit écran qui t'affichait l'heure ou le réseau. On se sentait trop fort avec ça. Ah ouais, attends, et t'avais ça et tu disais, hey les gars, j'ai l'heure sans ouvrir mon écran. C'était celui avec le clavier que tu ressortais du téléphone, tu sais, t'étais. Alors avec ça, tu te la pétais, tu faisais comme ça devant tout le monde, tu cliquais sur. Et c'est surtout, non mais le geste qu'on a perdu avec les iPhones plats, vu qu'avec le clapet, tu vois, quand tu sortais ton téléphone de ta poche, tu faisais un mouvement comme ça, tu jetais un peu ton téléphone dans le vide pour que le clapet s'ouvre. Oui, allô. C'était ouf, ce moment où tu décrochais quoi. Et enfin voilà, c'était incroyable. Thomas est nostalgique. Jadoul est nostalgique. Ouais, mais celui de l'autre côté, tu vois, il entendait le mec avec le téléphone à clapet qui décrochait, donc ça faisait le bruit. Allô. Ouais, mais c'est encore maintenant les téléphones fixes. Mais ça me fait toujours marrer. Tu vois, t'appelles quelque part. Déjà, t'entends le cornet qui se décroche. Tu vois. Bonjour. Et alors, quand tu raccroches, merci. Au revoir. Mais c'est incroyable. Tu te dis, mais les gars, on est en 2019, quoi. Tu vois. Bah, oui. Après. T'en as qui sont méga fiers. Ils ont le doigt sur la gâchette du téléphone fixe. Et quand ils ont fini l'appel, hop, ils appuient comme si c'était le cornet qui était raccroché. Comme ça, tu sais, t'as pas tout le bruit. D'accord, bah ça, c'est les professionnels qui. C'est les professionnels. C'est les secrétaires d'Arabelle qui font ça. Ouais, voilà, mais attends, nous chez nous, tu t'imagines pas, même pour l'interphone en bas, quand il y a des livraisons ou quoi, on décroche, mais nous, c'est la grande classe. Tu sais, on décroche, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'interférence. On est quand même dans une radio, hein. Ouais. On peut pas déconner. Merci de nous avoir écouté aujourd'hui. Un immense bonheur que vous nous avez fait en nous confiant votre confiance. Et on reviendra la semaine prochaine. Dernière seconde, je dis bien seconde, pour vous inscrire, vous envoyer humour 0488 106 800, SMS gratuit, c'est le prix d'un SMS normal, quoi. Voilà, il est pas surtaxé. Et vous envoyez ça et on vous enverra chez vous 2 invitations pour aller voir le spectacle de Jamel Debbouze le 12 octobre à Forêt Nationale. Franchement, ça vaut la peine. Humour 0488 106 800. Merci de nous avoir écoutés. À merci. Très bientôt Terrence. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 18h, en direct.